du drame humanitaire d'Alep en Syrie. Il s'appelle Omran. Difficile d'oublier le visage en sang de cet enfant de 5 ans, sauvé des décombres de sa maison bombardée. Omran a 5 ans et il ne sait pas ce qu'il est advenu de ses parents. Il est là, assis sur un siège et il nous regarde. L'image a fait le tour du monde, Pierre-Julien. Omran n'a pas compris. Il a regardé sa main pleine du sang, de sa blessure au front, il ne s'est pas plaint. Avec son visage tuméfié, ses cheveux, ses vêtements couverts de poussière, il est devenu finalement le symbole de ces enfants d'Alep blessés ou tués suite aux bombardements menés par l'aviation russe, mais aussi aux combats qui opposent les soldats de Bachar al-Assad aux militants de l'opposition syrienne et aux djihadistes. Pas de pitié, les bombes, les missiles, les balles sont aveugles. Des milliers de petits garçons, de fillettes, victimes innocentes comme leurs parents n'ont plus rien, médicaments, vivre et surtout eau potable. Anna Singer, représentante de l'UNICEF en Syrie, au téléphone de Jules Pecknard. Les enfants sont très affaiblis, déshydratés. Il faut bien s'imaginer qu'ils n'ont plus aucun accès à l'eau. Beaucoup d'entre eux souffrent de dysenterie et on a même identifié des cas d'hépatite. En plus, on est en plein milieu d'une vague de chaleur terrible. Donc désormais, c'est vraiment une question de vie ou de mort pour eux. Omran a été soigné, il va mieux alors que Moscou se dit prête à une pause humanitaire de 48 heures. Cessez le feu sous condition afin de permettre d'acheminer une partie de l'aide dont ont besoin les assiégés. Les précisions de Pierre-Julien. RTL 9h10. Et puis on va finir par un comeback, Olivia. Je suis sûre que vous avez déjà flirté sur cette musique, Jérôme. Ah oui, Nothing Else Matters. Je voulais savourer un petit peu. Eh bien, sachez que Metallica, l'un des groupes heavy metal le plus connu au monde, a annoncé hier la sortie en novembre prochain de son 11e album, le dernier en date, remonté quand même à 2008. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps ? C'était vos premiers slow, Jérôme, non ? Non. Les courses, au lieu de dire des âneries. Les courses, elles ont lieu à Cabourg, les pronostics de Bernard Glass. Le 13, le 12, le 11, le 8, le 9, le 14, le 10 et le 7. La dernière minute de Bernard, c'est le 12, Harlequin d'Em. Merci, Olivia Luret. On va aller se promener juste derrière ça avec Laurent Deutsch dans Paris. Allons-y. Rue de la Pompe. RTL, il est 9h11. Découvrez Grimbergen Blonde. Ses arômes de fruits mûrs et d'épices révèlent une bière d'abbaye au goût légendaire. Grimbergen Blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Bonne année scolaire avec Papa, pour la rentrée, il me faut des cahiers grand format. Ben profites-en, jusqu'au 5 septembre, il y a 50% d'économie sur la carte Carrefour, sur les cahiers Infinium Oxford. Oh, ah oui, les Infinium, ils sont top. Avec ça, je sens que je vais cartonner dans toutes les matières. Ben si on avait su, on les aurait achetés plus tôt. Pour une bonne année scolaire avec Carrefour, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits de marque, comme le cahier Infinium Oxford. Cahier agrafé Infinium 24x32, 96 pages, grand carreau. Modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Pourquoi tu allumes une bougie, papy ? Une première bougie va s'éteindre, mais avec elle, une autre bougie va s'allumer. Quand la deuxième bougie s'éteindra, une troisième scintillera encore. Et ainsi, la lumière ne s'éteindra jamais, comme l'Église, qui n'a jamais cessé de briller. Pour que jamais nos valeurs ne s'éteignent, je crois en l'Église. Je lègue à l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelègue.catholique.fr ou appelez dès maintenant le 01 76 23 10 10. 01 76 23 10 10. Hey, n'attendez pas le dernier moment pour les fournitures scolaires, hein? Aujourd'hui et demain, chez U, grâce à votre carte U, 10 euros vous seront offerts en euro carte U tous les 20 euros d'achat dans les rayons papeterie, écriture, classement et calculatrice. 10 euros tous les 20 euros, comme dirait votre ado. Ça le fait grave. Conditions dans les magasins U participants et sur magasinu.com. U, les nouveaux commerçants. Au fil des rues. Avec Laurent Deutsch. Sur RTL. Depuis le début de l'été, il nous fait découvrir ou redécouvrir l'histoire de Paris grâce à ses rues. Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour Jérôme, comment ça va ce matin ? En pleine forme. Mais ça a l'air, c'est dommage que les gens n'aient pas les images parce que vous rayonnez. Je rayonne puisque nous allons rue de la Pompe. Ah bah écoutez, oui, je sais que vous amenez particulièrement l'ouest de la capitale. On n'est pas loin ici, on va aller dans le 16e. Mais rassurez-vous, mon cher Jérôme, cette rue de la Pompe ne renvoie à rien de trivial, à rien de graveleux. Alors je sais, j'ai souvent parlé de rues dans cette chronique qui avaient des noms très évocateurs, ne laissant aucun doute sur la population qui en arpentait ses trottoirs, et bien là, il n'en est rien. Alors ça vient d'où, la pompe ? Et bien tout simplement d'une pompe. Tout bêtement. Qui permettait d'acheminer l'eau de la Seine pour alimenter le château de la Muette qui était tout proche. Vous savez, le château de la Muette qui était dans le bois de Boulogne où il y avait une meute de chiens qui permettait à Henri IV d'aller faire la chasse au cerf notamment. Donc c'est tout. Voilà, la pompe, ça vient de là. Donc vous êtes terriblement décevant. Et oui, je suis désolé, la chronique s'arrête sur cette petite note un peu fade. Tous ceux qui avaient, oui. Rassurez-vous, j'ai une petite anecdote croustillante quand même autour de cette rue de la pompe. C'est celle qui est relative au fameux lycée Janson de Sailly qui s'y trouve. Alors figurez figurez-vous que ce lycée, c'est peut-être un des seuls lycées de France dont le nom n'est pas celui d'un homme politique illustre, d'un professeur, d'un écrivain ou d'un scientifique. Non, pas du tout. Le lycée Janson de Sailly doit son nom à un parfait inconnu, Janson de Sailly, un avocat. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire, cet avocat ? Eh bien, c'est plutôt qu'est-ce qu'il n'a pas fait, parce que figurez-vous que sa femme a fini par le tromper. Donc peut-être que le monsieur était un petit peu insuffisant dans certains domaines. Du coup, elle l'a trompé, mais lui, il s'en est aperçu. Et là, alors du coup, là, il est devenu féroce. Il l'a déshérité et il a légué toute sa fortune à l'État à condition que celui-ci crée un lycée de garçons. Donc évidemment, la femme a été désavouée, elle a fait un procès, elle a essayé de se battre pour récupérer l'héritage, elle l'a perdu, et en 1884 fut posée donc la première pierre d'un lycée portant le nom de son généreux et inconnu donateur, Janson de Sailly. Voilà. Ça vient de là. Donc on a commencé par la pompe, on a fini avec la Sailly. La boucle est bouclée, merci Laurent Deutsch. Et tout a été parfaitement correct, hein. C'était dans le jeu là. Absolument. Merci, bonne journée. Retrouvez Métronome 2 de Laurent Deutsch dès le 1er septembre aux éditions Michel Lafon. Mais que se passe-t-il ? Il y a un mariage là à côté ? Parce qu'il est tout en costume, la Bruno Guillon. Caroline Diamant est magnifique comme d'habitude, mais oui, toujours. Oui. J'ai senti une petite hésitation quand même. Je vous avoue quelque chose. J'avais fait une promesse à Caroline. J'avais dit qu'un matin, au hasard, je viendrai habillé comme son acteur favori, à savoir Patrick Jane du Mentaliste. Patrick Jane, c'est son nom dans la série, son vrai nom c'est quoi ? Simon Baker. Voilà. Oui, Simon Baker. C'est alors, vrai qu'il y a un petit air là sur les écrans. Oui, bon, c'est le Simon Baker du pauvre hein, quand même. C'est le Simon Baker qui a mangé un petit peu de pâté et bu un peu de pinard. Mais ah, mais voilà. Moi, ça me va très bien, la chemise remontée, exactement comme Patrick Jane quand il fait un peu chaud dans la série. Il a garé la Citroën dehors. On se calme quand même, on va pas se chauffer trop. Bon, les amis, on vous souhaite un bon week-end. Oui. À vous aussi. Vous aussi. Et puis, on se retrouve lundi, bien sûr. Oui. Très bonne émission. Merci à lundi. Géant, ce sont les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à dimanche seulement, profitez de 50% de remise en bon d'achat sur la centrale vapeur Calor à 129€, soit un bon d'achat de 64,50€. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable du 22 au 28 août, produit signalé en magasin dans la limite des stocks. Kiabi colore la vie. C'est bientôt la rentrée et pour habiller vos enfants sans casser votre tirelire, allez chez Kiabi et profitez de l'offre canon de la rentrée. Deux t-shirts, manches longues ou manches courtes, plus un jean à seulement 10€. Deux hauts plus un bas pour seulement 10€. Je vous l'ai dit, cette offre est canon. Du 10 au 28 août, conditions en magasin et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Vous êtes sur la route des vacances. C'est long, la route des vacances. À l'arrière, les enfants dorment. Du coup, c'est le moment d'en profiter. Les enfants, ça vous dirait qu'on passe chez McDo ? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Vous savez qu'à chaque fois qu'on prend un menu et un Happy Meal, McDo nous offre un DVD et sa copie digitale. Ça vous va si c'est moi qui choisis le film ? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Offre valable pour l'achat simultané d'un menu best-of ou maxi-best-of ou menu salade ou McFirst et d'un menu Happy Meal. Choix du titre DVD parmi 5 titres selon disponibilité en restaurant. Voir conditions sur mcdonalds.fr. Durée limitée. L'ailier qui déborde sur le côté droit et c'est avec la Total Sport à 35€ par mois pendant un an, le sport ne s'arrête jamais. Vivez les plus grandes compétitions sur les plus grandes chaînes. L'intégralité du Top 14 et de la Pro D2 en exclusivité sur Canal+ et Canal+ Sport. Les Coupes d'Europe de rugby sur beIN Sport, 100% de la Ligue 1 sur Canal+ et beIN Sport et toutes les plus grandes compétitions sportives. Rendez-vous sur lesoffrescanal.fr. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal+, CanalSat 100% Sport et beIN Sport. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Bonjour, bienvenue vendredi, c'est le 19 août. Mais c'est le grand quiz de l'été sur RTL. Vous appelez maintenant pour repartir avec des séjours à Disneyland Paris. Et il y en aura une nouvelle fois deux à vous offrir ce matin pour partir. Chanter avec les héros de la Reine des Neiges pour une fête complètement givrée. Vous êtes logé à l'hôtel Sequoia Lodge. Vous partez à 4. Accès illimité pour 4 personnes aux deux parcs Walt Disney Studios et Disneyland Paris. On s'occupe des déjeuners, on s'occupe de tout. C'est ce que vous pouvez gagner ce matin par deux fois. Vous voulez participer, vous appelez le 3210 ou bien vous envoyez RTL dès maintenant par SMS au 74 900. Et nous vous accueillerons ici en direct sur l'antenne aux côtés de la seule, de l'unique, Caroline Diamant. J'adore cette chanson. Même. Bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Ah oui, bonjour Caroline, j'allais dire. Ah oui, elle est en forme. Oh, même si, j'allais dire, j'ai failli mettre un autre générique pour vous accueillir ce matin. Allez-y. Attendez. Donc je ne reconnais pas ce générique. C'est le générique de Joséphine Ange Gardien. Ah, d'accord. Parce qu'il faut savoir, je ne sais pas pourquoi, Caroline, depuis hier, met son siège dans la position la plus basse qui existe. Et donc, il y a 50 cm de visage qui sortent du dessus la table. Et le reste, qu'est-ce qui vous arrive, Caroline? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez? J'ai décidé de ne laisser émerger que la partie la plus belle. Comme ça, je suis obligé de... Et si je disparais complètement sous la table, c'est que ma lucidité sera revenue à 100%. D'accord. Ah ben, c'est sur ce générique, là, alors qu'il fallait que je vous accueille. Ah oui, le froid, Leonardo DiCaprio, mon chéri. Bon, allez, vous savez quoi, on va attaquer, on va jouer maintenant. Parce que j'ai très envie de jouer, j'ai très envie d'accueillir Cyril. Bonjour Cyril. Ah, c'est pas Cyril? Bah, j'ai la fiche de Cyril sous les yeux. Bah, et c'est bien qu'on ait une petite gaffe pour attaquer. Alors c'est qui si c'est pas Cyril? C'est Hervé. Et là, il y a Véronique qui passe à côté de moi qui fait oups. Et franchement, entre Hervé et Cyril, c'est quasiment la même chose. Hein. Oui, à part le prénom. Oui, bah, et, mis à part le fait qu'il y a un H, un E, un R, un V, un E, sinon il y a les mêmes lettres que dans Cyril. Donc honnêtement, l'erreur est faisable. Bonjour Hervé. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Hervé, bienvenue sur RTL. D'ailleurs, Hervé, vous le disiez en antenne, il est pas rare que vos potes vous surnomment Cyril. Ça m'arrive assez fréquemment. Bah bien sûr. Souvent les Hervé, on les appelle Cyril. La mauvaise foi absolue. Moi, la mauvaise foi, bah alors c'est mal me connaître. Hermanville, on est à côté de Dieppe. Ouais, tout à fait. Bon, dites-moi, vous faites quoi dans la vie? Je suis représentant commercial dans tout ce qui est matériaux pour la construction dans le bâtiment. D'accord. Vacances, c'est fait, ça va venir? Les vacances sont malheureusement terminées pour moi, oui, depuis déjà 3 semaines. Oui. Ah, vous êtes parti des juilletistes, donc. Et voilà, tout à fait. Vous êtes allé où? En Ardèche, du côté de Vallon-Pont d'Arc. D'accord. Je vois que vous êtes passionné de voitures anciennes. Oui, tout à fait. Et que vous possédez une Coccinelle, donc je suppose que c'est le modèle des années 60. Ouais, elle est de 70, très exactement. D'accord. Et donc, elle est complètement retapée ou vous êtes encore dessus? Parce que c'est un boulot de chaque instant. Voilà, tout à fait. Elle est en cours de restauration. Elle est presque terminée, mais elle est encore en cours de restauration. Elle ne roule pas encore. Mais je comprends pas, elle a été empaillée? Oui, tout à fait. Non, c'est pas l'insecte, c'est la voiture, Caroline. Ça va être long cette matinée, vous allez voir. Je vous l'avais dit dès le début, en rentrant dans le studio, je le sentais. Vous avez une passion commune avec votre femme, musique. Et cette passion, c'est Indochine. Tout à fait. Bon, cher Hervé, c'est vous qui allez donc attaquer cette première heure. C'est Caroline Diamant qui va vous poser des questions. C'est à vous de donner un maximum de bonnes réponses. 10 réponses d'affilée, vous le savez, mais c'est toujours bien de le préciser. C'est 1000 euros dans la popoche. On va essayer. Eh bien, écoutez, on est là. Tout le monde vous écoute. Top chrono, c'est parti. Selon l'expression, quelle clé prend-on quand on évoque la liberté? La clé des champs. Qui est la compagne de Pango dans Les 101 Dalmatiens? Belle. Quelle star du rock a vécu dans une maison baptisée Lorada? Elvis Presley. Quel adjectif qualifie quelqu'un qui n'aime pas la compagnie du genre humain? Je passe. De quel groupe comique Jean-Paul Roux a-t-il fait partie? Les Robins des Bois. Quel instrument permet aux sous-marins de voir ce qui se passe en surface? Le périscope. Avec quel matériau Christophe construit-il des marionnettes en 1965? Du bois. Au théâtre, quel terme désigne la gauche et la droite d'une scène de théâtre? Je passe. Complétez ce titre de roman de Milan Kundera de 1984. L'insoutenable légèreté de... Je passe. Dans une paroisse, quel nom donne-t-on à l'habitation du curé? La sacristie. Quel sport est concerné par le prix d'Amérique? Je passe. Lequel de nos 5 sens est affecté par les acouphènes? Louis. Et vous, c'est quoi? Je dirais oui. Ouais. Je dirais oui pour Louis. Moi, je dirais Louis pour Louis. Mais dommage que notre candidat s'appelle pas Louis. Non, il se bat déjà qu'on le surnomme Cyril alors qu'il s'appelle Hervé. Déjà, voilà. Ça va aller. Bon, c'est mon truc, non. Hervé. Oui. Hervé, nous allons revenir ensemble sur vos différentes réponses, les bonnes comme les mauvaises. Mais je veux les donner dans un petit cérémonial. Coupez la musique derrière moi, je veux que tout le monde se mette debout, la main sur le cœur, Marseillaise. Les réponses d'Hervé, on va les découvrir dans quelques secondes. Le temps d'attaquer cette émission en musique, 1982, It's Good to be the King, Mel Brooks. contributed to your debt. Now in 1789, the peasants were starving, but I was fine. We were hanging out down in Old Versailles. That's the weekend pad of my queen and I. In the alleys of Paris, they was eating rats. But it was filet mignon for the aristocrat. There was dukes and counts and barons and earls. I gave them the titles, but I kept the girls. Blondes, redheads, wild brunettes. Ladies in waiting, I didn't wait to get. There was truffles for breakfast, toss for brunch. The Lion of the Follies, British here for lunch. In the neighborhood, I wasn't too worried, no big deal. You step out of line, Jack, you're in the Bastille. The party kept swinging all day and all night. The champagne was flowing, we was feeling all right. They were screaming for bread, things started to shake. But Marie Antoinette said, "Well, let them eat cake." Now the rabble wouldn't have it, they was angry at me. They built a big old race, I called a guillotine. Then the people up shouted, "We'll have our day. Down with dirty war, give us Perrier." I said, "The more we roll, things might get screwy, but then never lay a finger on good King Louis. Just keep your cool. Mel Brooks, gigantesque star des années 80. C'était la folle histoire du monde, je crois, sur la folle histoire du monde qu'on retrouvait cette chanson. It's good to be the king sur RTL. RTL, le grand quiz de l'été. Bon, nous avons Hervé. Oui. Que ses copains appellent Cyril dans la vie, mais bon, pour pas que tout le monde se mélange. Hervé qui est avec nous, qui a joué depuis Dieppe. On revient sur vos différentes réponses aux questions que vous a posées Caroline il y a 3 minutes. D'accord Hervé? Ok, c'est parti. La clé des chances, ça démarre bien ce questionnaire. C'est la clé que l'on prend quand on évoque la liberté. Pour les 101 Dalmatiens, par contre, vous m'avez dit belle. Et non. Et non. C'est Perdita. Ah ouais. Belle, c'est la meuf du clochard. Eh ouais. C'est celle de Sébastien aussi, c'est parti de ce principe. Ouais, aussi, ouais. Quelle star du rock a vécu dans une maison baptisée Lorada? Vous m'avez dit Elvis. Je pense qu'il aurait adoré qu'Elvis habite chez lui parce que c'est un grand fan devant l'éternel. Mais c'était la maison de Johnny Hallyday. Et alors, vous savez pourquoi ça s'appelait Laurada? C'est la contraction des prénoms de ses enfants, Laura et David. Donc oui. Laurada. D'accord. Parce qu'il n'avait pas encore les deux petites filles. Ouais. Qu'il a... Heureusement qu'il ne les a pas appelées Catherine et Karl. Sinon, le nom de la maison était moins sympa, forcément. Oui. Quel adjectif qualifie quelqu'un qui n'aime pas la compagnie du genre humain? C'est un misanthrope. Misanthrope. Avec quel matériau Christophe construit-il des marionnettes en 1965? Il l'a chanté. Moi, je construis des marionnettes. Vous avez dit avec du bois. Lui, vous dit avec de la ficelle et du papier. Eh oui. Eh oui. Jardin et cour, ce sont les termes que l'on désigne pour désigner la gauche et la droite d'une scène de théâtre. Moi qui suis en plein dedans, je vous le disais, je suis en train d'apprendre une pièce de théâtre. Oui. Moi, quand on me dit rendez-vous à jardin, je suis, vous voyez un gars qui est au milieu de la scène et qui est en mode. Ah oui, c'est ça, vous ne savez pas. Je ne sais pas où parce c'est. Parce que je n'ai toujours pas compris. Non, mais cour, c'est du côté du cœur, mais comme je ne sais jamais de quel côté il est non plus, du coup, mais voilà, oui, mais je me balade dans l'atmosphère. Et puis en plus, vous marchez sur une scène, donc parfois vous avez le cœur devant et parfois le cœur derrière. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Pas le spectateur. L'insoutenable légèreté de l'être. C'est le titre de ce roman de Milan Kundera en 1984. Et puis, dans une paroisse, le nom qu'on donne à l'habitation du curé, vous m'avez dit la sacristie. Non, la sacristie, c'est là où on a tendance à ranger tout ce qui est religieux, les reliques, etc., à conserver des choses importantes pour l'église. Lui, il habite dans le presbytère. C'est là qu'est ma belle-mère, dans la sacristie. Quel sport est concerné par le prix d'Amérique? Il s'agissait de l'équitation. Voilà. Bon, alors, ça nous fait combien de bonnes réponses, puisque c'est vous qui attaquez le jeu ce matin? Non, vous êtes à 4. On double. 4, c'est bien. Ah, 4, c'est pas mal. Est-ce que ce sera suffisant pour repartir avec le séjour? On le saura tout à l'heure, à la fin de l'heure, mais en tout cas, là, tout de suite, c'est suffisant pour vous offrir une montre RTL. D'accord, cher Hervé? Eh ben, c'est déjà très bien. Je suis ravi déjà d'avoir pu participer, d'avoir pu parler à deux super animateurs de la radio d'RTL. Oh, c'est gentil. Vous merci êtes beaucoup. On vous embrasse, Hervé. Super, merci. Bonne journée. 32-10, c'est le grand quiz de l'été. Vous appelez pour jouer sur RTL maintenant. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, vous allez être vert. Ah oui, et vert comment? Ben, vert courgette. Parce que là, chez Lidl, ils nous mettent le kilo de courgette Origine France à 99 centimes. 99 centimes le kilo de courgette Origine France? Moins d'un euro? Non mais ça va encore durer longtemps. Longtemps? Ben aujourd'hui et demain, patron. Moins d'un euro le kilo. Ah là, ils y vont fort, hein. Bon, là, t'arrêtes de me courir sur le haricot avec ses courgettes, ok? Ok, patron. On est mal. On est très très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, Origine France. Oud, gère tout dans la maison. Oud, gère tout ce que je veux. Je veux Oud. Quand on a la pêche, la retraite, ça sert à voyager, voir ses petits-enfants, ses amis, sortir, profiter de la vie. Le ménage, le repassage, toutes ces corvées qui vous encombrent le quotidien, il faut s'en débarrasser. Il est temps de prendre le temps de voir la vie en mieux. Comment? La réponse est sur O2.fr. Et moi je vois la vie en mieux, O2. Le zéro, ça vient des Grecs, non? Mais non, le zéro c'est les Indiens, tout le monde le sait. Non, le zéro c'est les Arabes ou les Chinois. Les Indiens. Excusez-moi. Bah si, les Chinois. Excusez-moi. Est-ce que je vous écoute à l'aise? En fait, c'est Ford. Ah oui, on en a parlé. En août seulement, découvrez le crédit à 0% sur la gamme Ford et profitez de remises jusqu'à 5 800 €. Crédit auto 0%, 2 000 € d'apport pour 10 000 € empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 €, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit si acceptation du dossier selon stock disponible, voir Ford.fr. RTL. Le grand quiz de l'été. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et nous accueillons tout de suite ce cher Cyril qui va jouer avec nous et tenter de battre 4 bonnes réponses. Bonjour Cyril. Bonjour. Bonjour Cyril, bienvenue sur RTL. Et salut. Comme quoi mentaliste je le suis quand même un peu. Je savais que ça allait être vous il y a déjà un quart d'heure. Oui, j'ai vu, on dit bien. Et comme quoi, vous avez vu. Hein. C'est fou, hein. C'est fou ça. Vous mettez le gilet du mentaliste, vous devenez mentaliste. Et c'est extraordinaire. Je vais mettre le short de Wonder Woman, on va voir. Si ça marche, je vous appelle et je vous poste une photo sur les réseaux sociaux. Vous savez que Wonder Woman, normalement, elle tourne sur elle-même. Faites attention. Oh, ça, je sais faire. C'est comme ça que je fais des trous dans le sol. Alors, Cyril, vous habitez Jean-Lépine, à côté d'Antibes. C'est ça. Est-ce que vous avez pris vos vacances? Est-ce que vous considérez que vous êtes toujours en vacances puisque vous habitez Jean-Lépine? Non, en fait, je prends un an sur deux. Donc là, je suis dans la mauvaise année. Ah. Donc là, je travaille. Là, vous travaillez. Bah, écoutez, j'espère que peut-être vous allez pouvoir vous envoler pour aller jusqu'à Disneyland Paris. Bah, ce serait bien cool, alors. Ça serait cool. Ça ne dépend que de vous. Oui. Cyril. Oui. Un petit peu de musique pour vous détendre. Ah, Toto, oui. Merci. Vous savez quoi ? Toto, oui. Ça fait partie des groupes que j'aime bien. J'aimerais bien qu'on en passe un petit avant 11h. Tiens, on va regarder dans la discographie d'Hertel, on va bien trouver un Toto qui traîne. Ah bah, il y a toujours un Toto. Un petit hold the line, un petit truc. Pas là, ah, ce serait pas mal. J'aime beaucoup Toto. Bon, ah ouais. Cyril. Oui. C'est moi qui vais vous poser les questions, d'accord ? Allez. Ouais. Laissez-vous, qui bien entendu allez tenter de trouver un maximum de bonnes réponses. Il en faut 4 à minima pour espérer repartir avec le séjour à la fin de 7 heures. Et surtout, pour gagner 1000 euros, il va falloir 10 bonnes réponses d'affilée. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Eh ben, on y va, top chrono, c'est parti. Comment appelle-t-on la petite fenêtre étanche des navires et des avions ? Hublot. En quelle matière est faite la mèche de l'archer d'un violon ? En crin. Quelle émission hebdomadaire Anne Sinclair a-t-elle animée de 1984 à 1997 ? Quel verbe désigne l'action d'amener progressivement un vin à température ? Je passe. Quel département français correspond au numéro 15 ? Cantal. Qui a incarné Lara Croft 2 fois au cinéma en 2001 et 2003? Angelina Jolie. Qui est l'actuel numéro 1 mondial de tennis? Oh là, Serena Williams. Dans quelle discipline Nathalie Dessay exerce-t-elle son talent? Cantatrice. Quel personnage de Jean de Florette est surnommé Galinette? Ah ben Daniel Auteuil, comment il s'appelle? Hugolin. Quelles chaussures tiennent leur nom d'une cité de la Grèce antique? Les Spartiates. Comment appelle-t-on les nymphes des rivières? Je passe. Quel acteur interprète le rôle de Fox Mulder dans la série X-Files? Fox Mulder, je passe. Duchovny, peut-être, non, je sais pas. Pardon? C'est peut-être l'autre. Duchovny, mais je sais pas si c'est la femme ou c'est l'autre. Non, non, c'est Duchovny, ouais. On dit Duchovny, mais. Ah bah oui, mais. Ouais, mais nous à Valoris, on dit Duchovny, mais c'est. Eh bah si à Valoris vous dites Duchovny, moi j'appelle tout de suite les États-Unis et à partir de maintenant, tout le monde dira Duchovny. Voilà. Bah oui, bah c'est bah oui, c'est bien sûr. Mais à un moment, si à Valoris on dit Duchovny, je vois pas pourquoi Los Angeles il dirait Duchovny. À un moment, ça va les Américains, quoi. Eh oh. Ah oui. C'est David Duchovny avec Gillian Anderson. On a un petit extrait de David Duchovny. Non, mais on a l'extrait d'X-Files. Bon, on va revenir sur vos réponses avec Caroline. Allez. Cyril. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Vous n'avez pas fait trop de bêtises, mais pour être bien sûr, on va marquer une pause. Bon, ok, d'accord, merci. J'ai trouvé mon nouveau style, mes plus beaux accessoires de mode et mes produits de beauté préférés en faisant mon shopping sur QVC. Découvrez toutes les dernières créations en beauté, bijoux, maison et mode. Rendez-vous sur la chaîne télé QVC ou sur QVC.fr en tapant 3 lettres QVC.fr. QVC, achetez ce que vous aimez, aimez ce que vous découvrez. RTL. Les aventuriers de l'inconnu. Jacques Pradel, Henri Gougaud. Des lumières dans la nuit, des murs qui se souviennent, des rêves qui réveillent. Chaque jour, avec les aventuriers de l'inconnu, nous vous amenons aux frontières du réel pour mieux comprendre ce qui nous dépasse. Nous vous donnons rendez-vous tout l'été sur RTL de 14h à 15h pour les aventuriers de l'inconnu. Découvrez Grimbergen Blonde. Ses arômes de fruits mûrs et d'épices révèlent une bière d'abbaye au goût légendaire. Grimbergen Blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Wepa ! Alain Afflelou, l'été fou continue jusqu'au 31 août chez Afflelou. Oui. Chin Chin, cet été, ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour un euro de plus. Oui. Et la troisième paire ? Pour vous ou pour qui vous voulez. C'est fou. C'est fou, c'est Afflelou. Chin Chin, jusqu'au 31 août, c'est deux lunettes de plus pour un euro de plus. Voir conditions en magasin. Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Bonne année scolaire avec Carrefour. Papa, tu sais, le PC dont je t'ai parlé avant les vacances. Ah bah depuis le temps que tu m'en parles, difficile d'oublier. Eh bah jusqu'au 5 septembre chez Carrefour, le PC portable 15 pouces Acer équipé de Windows 10 est à seulement 499€ au lieu de 649. C'est un signe, non ? C'est même un très bon signe. Pour une bonne année scolaire avec Carrefour, le PC portable 15 pouces Intel Core i5 Acer équipé de Windows 10 est à seulement 499€ jusqu'au 5 septembre. Acer Aspire E5 573G 565T Windows 10, faites les choses en grand. Carrefour. Pourquoi tu allumes une bougie, papy ? Une première bougie va s'éteindre, mais avec elle, une autre bougie va s'allumer. Quand la deuxième bougie s'éteindra, une troisième scintillera encore. Et ainsi, la lumière ne s'éteindra jamais, comme l'Église, qui n'a jamais cessé de briller. Pour que jamais nos valeurs ne s'éteignent, je crois en l'Église, je lègue à l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelègue.catholique.fr ou appelez dès maintenant le 01 76 23 10 10. 01 76 23 10 10. RTL. Le grand quiz de l'été. Grand quiz de l'été avec Cyril qui a joué avec nous il y a quelques secondes. Qui a plutôt bien joué, Cyril. Et je pense que vous le sentez. Vous partez sur combien de bonnes réponses, Cyril? 5-6. On revient sur vos réponses avec Caroline. Avec plaisir. Vous avez immédiatement identifié cette émission hebdomadaire mythique d'Anne Sinclair qui s'appelait 7 sur 7, qui a reçu toutes les stars, qui a dû quitter cette émission pour suivre son mari et lui laisser suivre ses ambitions présidentielles. Bon. Et moi, je me souviens, moi, quand c'est arrivé ça, je savais que c'était le dimanche, après j'étais en panique parce que je savais que c'était l'école. Il y avait 7 sur 7, après on dînait avec mes parents, et puis après on se mettait devant la télé. Il y avait le film du dimanche soir. Et je savais qu'à 9h30, il fallait que j'aille au lit, c'était une catastrophe. Donc hop, le film commençait, par exemple, le dimanche soir à l'époque, il pouvait passer des films genre Fantomas. Et moi, je me cachais dans le canapé en me disant « ma mère ne va pas me voir ». Et à partir de 9h30, je ne respirais même plus. Comme ça. Bonne cachette. On était tous comme ça. Moi, perso, c'est Stade 2. Ah oui, il y avait Stade 2 aussi. C'était la montée en... Le dimanche. Hein. Ben oui, il y avait Stade 2 aussi le dimanche. Ouais. Eh oui, oui. Bon, là, vous m'arrangez pas parce que j'ai pas le générique de Stade 2 sous la main. Oui, moi, vous m'arrangez pas parce que ma passion. Avec le chronomètre, ça. Mais oui, bien sûr. Alors, le verbe qui désigne l'action d'amener progressivement un vin à température, ça s'appelle chambrer. Chambrer le vin. Bon, sinon, tout ça est plutôt pas mal. Mais c'est pas parce que vous avez donné la bonne réponse qu'on ne va pas écouter un extrait de cette excellente cantatrice, Nathalie Dessay. Cyril ! Oui, Bruno. Cyril, vous pensiez avoir 4, voire 5 bonnes réponses. Cyril ! Oui. Erreur ! Manpower, oui. Puisque vous avez 10 bonnes réponses, Cyril. C'est un 10. Excellent score. Oui, ah, 10 bonnes mal. Réponses. Pas mal. C'est plutôt pas mal pour prétendre au séjour qui sera donné à la fin de cette première heure. Est-ce que le séjour sera pour vous? Réponse avant 10h du matin. Mais dans un premier temps, ce que je vous assure, c'est une montre RTL. Ah, c'est gentil, merci. Cyril, on vous embrasse peut-être à tout à l'heure. À tout à l'heure. 32-10 pour jouer avec nous, pour essayer de faire mieux que Cyril. Le temps d'écouter Joyce, Jonathan et Vianney sur RTL. Elles sont énervantes, les filles d'aujourd'hui. Et malheureusement, j'en fais partie. Elles sont trop hésitantes, les filles d'aujourd'hui. Elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas dire oui. Les gens de mon temps s'enlacent, et de ce temps les gens se lassent. Soudainement tout s'efface au moment de la préface. On se rend débile. Elles sont déroutantes, les filles d'aujourd'hui. Un petit tour d'amour et puis s'enfuir. Si elles suivent le vent, les filles d'aujourd'hui, sais-tu que les garçons le font aussi? Les gens de mon temps s'embrassent avant qu'ils ne se remplacent. Tout se détend, se détache. On se rend débile d'amour un temps. On se défile pourtant. Avant d'écrire le jour suivant, les volants. les deux sont tellement craquants individuellement que forcément réunis sur un duo, ça ne peut que marcher. Vianney et Joyce Jonathan, un instant sur RTL, les filles d'aujourd'hui. À tous ceux qui rêvent d'une rentrée à petit prix, jusqu'au 13 septembre, les tops de la rentrée sont chez Conforama. Comme la banquette BZ Allison à 199,60€ au lieu de 329€. Et oui, 40% de remise quand même, vous êtes gâtés. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Vous êtes sur la route des vacances. C'est long, la route des vacances. À l'arrière, les enfants dorment. Du coup, c'est le moment d'en profiter. Les enfants, ça vous dirait qu'on passe chez McDo ? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Vous savez qu'à chaque fois qu'on prend un menu et un Happy Meal, McDo nous offre un DVD et sa copie digitale. Ça vous va si c'est moi qui choisis le film ? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Offre valable pour l'achat simultané d'un menu best-of ou maxi-best-of ou menu salade ou McFirst et d'un menu Happy Meal. Choix du titre DVD parmi 5 titres selon disponibilité en restaurant. Voir conditions sur mcdonalds.fr, durée limitée. Le zéro, ça vient des Grecs, non ? Mais non, le zéro, c'est les Indiens, tout le monde le sait. Non, le zéro, c'est les Arabes ou les Chinois. Les Indiens. Excusez-moi. Bah si, les Chinois. Excusez-moi. Est-ce que je vous écoute à l'aise ? En fait, c'est Ford. Ah oui, ah. On en a parlé. En août seulement, découvrez le crédit à 0% sur la gamme Ford et profitez de remises jusqu'à 5 800€. Crédit auto 0%, 2 000€ d'apport pour 10 000€ empruntés, puis 36 mensualités de 277,78€. Montant total du 10 000€, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit si acceptation du dossier selon stock disponible, voir Ford.fr. Géant. Ce sont les jours imbattables chez Géant. Jusqu'à dimanche seulement, profitez de 50% de remise en bon d'achat sur le nettoyeur vapeur Polti Vaporetto Smart 30 Silver à 69€, soit un bon d'achat de 34,50€. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable du 22 au 28 août, produit signalé en magasin dans la limite des stocks. Intersport. Chloé, j'aime pas être habillé comme un pingouin. Paul, enfin, on va à un mariage. Ouais, elle est loin l'époque où on pouvait mettre tous les jours un survêtement. Oh, tu verrais, le nouveau modèle Adidas pour enfants à 24,99€ chez Intersport. Quand tu dis ça, tu me fais plus penser à un enfant qu'à un pingouin. En ce moment, chez Intersport, les survêtements Adidas Garçon Tasto et Fikimana sont à 24,99€ au lieu de 44,99€, soit 44% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions, date et liste des magasins participants sur intersport.fr. RTL. Le grand quiz. Le grand quiz de l'été. Grand quiz de l'été, c'est tous les jours sur RTL entre 9h15 et 11h. Et c'est comme son nom l'indique, pendant l'été. Voilà. Bravo. Bien, c'est bien qu'il y a des gens qui suivent un peu dans cette équipe, ça fait plaisir. Bonjour Marion. Bonjour Bruno. Bonjour Marion. Bienvenue sur l'antenne d'RTL, on part à Bry-sur-Marne avec vous. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie à Bry-sur-Marne, Marion ? Je suis directrice financière dans une entreprise de bâtiment. D'accord. Alors, faites-nous rêver. Vacances, il y a eu, il va y avoir ou il n'y a pas cet été ? Il y a eu, ça y est, c'est passé, c'est fini. C'était au mois de juillet. Bon, mais replongeons-nous dans cette ambiance de juilletiste. Vous êtes partie où ? Dans le sud de la France, à côté de Marseille, à Cassis. Ah, Cassis. Oui. Exciting and new. Come aboard. Oui, mais c'est important pour Marion, elle a repris le travail. Oui, mais pour vous, à chaque fois que les gens partent en vacances, ils partent sur cette musique. Bah écoutez, j'ai ça, voilà. Sinon, je peux vous mettre. Cassis. Ah oui, c'était plus ça en fait. Cassis, c'est fini. Ah non, c'est pas, c'est un autre chanteur ça. On est parti sur ça vraiment. Bon, Marion, directrice financière, vous le disiez, vous pratiquez le sport, vous aimez la danse. Et puis, oui. Et puis bon, alors je vois que musicalement, nous avons quelques points communs, Marion. Et vous savez quoi ? Je vais vous faire plaisir. Je pense me faire plaisir et j'espère faire plaisir aux auditeurs d'RTL. Musique. Fan de Dépêche Mode, Marion. Oui, j'aime beaucoup. Et Coldplay aussi. Oui. Bah, et on se met un petit extrait de Coldplay ou pas ? Oui, oui, c'est. Je demande à la reine Caroline Diamant. Coldplay, on peut ? On peut. Ok, refrain. Est-ce que Coldplay, on peut en mettre deux, Reine Caroline ? Oui, mais elle aime aussi M. On aurait pu mettre M. Je n'en avais pas calé. Ok, d'accord. Alors, on remet un deuxième Coldplay, moi, je dis. Vous avez trois enfants, Marion. Oui. Et alors ? Un petit bébé qui, il n'y a pas longtemps. Mais oui, comment s'appelle-t-il ? C'est une petite fille, elle s'appelle Camille. Oh, Camille, quel joli prénom. Alors, est-ce que c'est avec Camille, cette anecdote au cinéma ? J'étais enceinte de Camille, oui. Et il s'est passé quoi, racontez ? Ben, j'ai juste voulu emmener mes deux autres filles au cinéma pour leur faire plaisir. Mmh. Et j'avais juste pas trop anticipé que j'étais enceinte de 7 mois. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à rester assise. Vous aviez quand même eu 7 fauteuil. Mois pour vous habituer. À... Je pensais pas que ça serait si dur en fait. Bah oui, forcément. Vous avez 3 filles, Marion ? Oui, 3 filles. D'accord. Et du coup, vous êtes allongée sur 3 sièges ? Voilà, j'ai dû m'allonger sur mes deux autres filles parce que je tenais pas sur mon siège à moi. Ah, 3 filles, une petite pensée à papa et au papa quand elles seront toutes les 3 en âge d'avoir des petits copains. Voilà. Voilà, voilà, bien content d'avoir un garçon. Bon, Marion, allez, c'est Caroline qui vous pose des questions, d'accord ? D'accord, ok. Cyril a joué avec nous tout à l'heure avec 10 bonnes réponses. Il a placé la barre assez haute, mais vous pouvez prétendre faire aussi bien, voire mieux, et peut-être gagner 1000 euros cash si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, d'accord Marion ? Ok. Eh ben Marion, on y va, c'est parti. Quel est le prénom de Madame Rigby chantée par les Beatles en 66 ? Le passe. Quel personnage est associé à une houppe dans un conte de Perrault ? Le passe. Selon Bigard, par quel animal a-t-on une chance sur 10 millions d'être mordu ? Un chien. Quelle technique de plongée consiste à retenir sa respiration ? L'apnée. Pour quelle discipline le jeune Billy Elliot se passionne-t-il en 2000 ? La danse. Avec combien de dés joue-t-on au jeu de loi ? 2. Au karaté, quelle ceinture unie passe-t-on après la jaune et avant la verte ? La rouge. Quel est le prénom du peintre Matisse ? André. Dans quel feuilleton apparaissent les personnages de Looping et Futé ? Je passe. Qui est le dernier souverain à avoir installé sa cour à Versailles ? Louis XVI. Sur le Tour de France, à qui revient le maillot à pois rouge ? Je passe. Quelle bande de hors-la-loi française chantée par Joe Dassin en 68 ? Les Dalton. Alors oui, c'est vrai qu'il l'a chanté, mais il n'était pas français, les Dalton. Ah, oui. Et oui, Joe Dassin en 68, c'est cette bande-là qu'il a chanté. La bande à Bono. Les mots que criaient misérables, quand s'éloignait le bruit. Une vie sans moteur, comment rattraper les coupables qui fuyaient à toute allure, à 35 à l'heure, sur les routes de France, hirondaient les gendarmes. J'adore Joe Dassin. Bon allez, on revient sur vos réponses Marion, si vous le voulez bien. Puis là, vous allez me faire plaisir, vous allez faire plaisir en boucle à beaucoup de gens. 1966. Alors vous avez passé cette bonne vieille Madame Rigby, chantée par les Beatles. C'était Eleanor. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window. Oui, j'aime beaucoup les Beatles. Ricky à la houppe, c'est le conte de Perrault. Selon Bigard, par quel animal a-t-on une chance sur 10 millions d'être mordu ? Ce sketch m'a tiré des larmes de rire, mais je crois qu'à chaque fois que je l'écoute, c'est pareil. On réécoute un extrait. Faut quand même savoir qu'il y a un gars qui s'est sûrement cassé le cul pendant des mois et des mois, avec du matériel et tout, pour arriver à la conclusion suivante. On a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Jean-Marie Bigard, qu'on embrasse tendrement, qui a eu un petit pépin de santé là sur scène il y a quelques jours, qui est en train de se reposer, mais qui va revenir plus fort et plus drôle que jamais. On lui souhaite un prompt rétablissement. Au karaté, quelle ceinture unie passe-t-on après la jaune et avant la verte ? C'est la ceinture orange et non pas la rouge, cher Marion. Matisse, son prénom, vous avez dit André, ça commençait bien, c'est Henri Matisse. Oui. L'agence Tourisque, Looping, Futé, générique. «

Cyril a joué avec nous. Enfin, Cyril. Oui. Je peux vous appeler Hervé si vous voulez. Cyril, ouais. Vous avez joué avec nous. Vous étiez notre deuxième candidat ce matin avec 10 bonnes réponses. C'est vous qui partez à Disneyland Paris et ça s'applaudit. Merci, merci. Merci RTL. Alors, c'est un séjour pour 4 personnes. Ouais, vous allez partir en famille, accès illimité pour les deux parcs, Walt Disney Studios, Disneyland Paris, bien sûr. Vous serez logé à l'hôtel Sequoia Lodge pour une nuit. Les déjeuners sont offerts. Il y a le nouveau spectacle Mickey le Magicien que vous allez pouvoir voir et puis chanter avec les héros de la Reine des Neiges. Une fête givrée qui vous attend, vous et votre famille, Cyril. Pardon ? Une fête givrée qui vous attend, vous et votre famille. Ah, ben merci, écoutez, mais si on parle d'été, elle est givrée quand même, non c'est pas... Oui, si, c'est givré aussi l'été. Ah bon, mais de toute façon, chez Disney, ils sont givrés toute l'année, attention. Ah, c'est gentil. ils sont là pour nous faire oublier nos soucis, que vous soyez bien, vous allez être bien, vous pouvez me croire. On vous embrasse, Cyril. Ben merci, juste si je peux faire un petit bisou à mes enfants. Et ben faites un bisou à vos enfants. Ils m'écoutent, ils sont en vacances à Bordeaux, là-bas. Et voilà, et ma femme qui est à côté de moi, et mes potes qui m'écoutent et tout ça, et voilà. Et ben, le message est passé, à très bientôt Cyril. Bisous. Autre séjour à gagner dans la prochaine heure du Grand Quiz de l'été. C'est RTL que vous écoutez, il est 10h. Les infos avec Gauthier de Lombugard. Bonjour Gauthier. Bonjour Caroline, bonjour Bruno, bonjour à tous. L'actualité, c'est cette nuit exceptionnelle pour les Français à Rio. RTL, Rio 2016. La lumière est venue de l'athlétisme dans cette nuit olympique. Kevin Mayer apporte au décathlon français sa première médaille depuis près de 60 ans. Le tricolore prend l'argent dans cette discipline qui réunit 10 épreuves. Il bat au passage le record national. Et puis l'exploit est venu de la finale du 200 mètres. Christophe Lemaître défie les fusées de la piste et parvient à se hisser sur le podium. Médaille de bronze arrachée de justesse, la première olympique de sa carrière. Devant lui, le Canadien André De Grasse, mais surtout le roi Usain Bolt, le Jamaïcain une nouvelle fois en or sur 200 mètres après Pékin et Londres. D'autres bleus ont brillé cette nuit, les handballeuses. Elles se sont qualifiées pour leur première finale olympique au terme d'un match très serré. Victoire 24-23 face aux Pays-Bas, vice-championne du monde. Pourquoi pas l'or ? Finale à suivre demain à 20h30. Les braqueuses du basket ont bien résisté mais n'ont rien pu faire face aux États-Unis en demi-finale. Les Françaises s'inclinent 86-67 et tenteront désormais d'accrocher une médaille face à la Serbie demain. Dans le reste de l'actualité du monde, sur les routes ce week-end avec un vendredi classé orange dans le sens des retours. C'est vert pour les départs. Radio guidage dès 15h sur RTL. La bourse de Paris, elle ouvre à l'équilibre, moins 0,02% à 4436 points. Les nouveaux tarifs des médecins pourraient être validés dès dimanche si la Fédération des médecins de France donne son feu vert. Cela comprend notamment la revalorisation de la consultation chez un généraliste à 25 euros. 1500 personnes évacuées quelques heures de leur camping cette nuit sur l'île d'Oléron. Les vacanciers ont dû à cause d'un incendie qui a fait 4 blessés légers et détruit 9 mobilhomes. Aux États-Unis, la Californie fait face à une série d'incendies de grande ampleur. Les vents violents et les températures caniculaires forcent des dizaines de milliers de personnes à fuir les flammes. L'état d'urgence a été décrété dans la région. Ces incendies pourraient être d'origine criminelle. Le ministre allemand de l'Intérieur appelle à une interdiction partielle de la burqa. Thomas de Maizière souhaite que ce soit le cas dans les démarches administratives et les salles de cours. La raison invoquée, il est indispensable de montrer son visage, selon lui. Médecins sans frontières a évacué en urgence son personnel de 6 hôpitaux du nord du Yémen. Mesure de précaution après un raid aérien en début de semaine contre un établissement où exerce l'ONG. Un raid qui a fait 19 morts et 24 blessés. Les courses en nocturne à Cabourg ce soir. Bernard Glass vous conseille de jouer le 13, le 12, le 11, 8, 9, 14, 10, 7, je répète, 13, 12, 11, 8, 9, 14, 10, 7 et la dernière minute de Bernard, le 12, Harlequin Dem. La météo de votre vendredi, des pluies continues de la Bretagne à la Manche avec quelques orages. Ce temps pluvieux se décale des Pays de la Loire à la Normandie en cours de matinée. Nuages et éclaircies sur le nord-est. Sur la moitié sud, le temps est ensoleillé mais se voilera progressivement au cours de la journée. Les températures de 20 à 33 degrés avec notamment 22 à Calais, 27 à Metz, 29 à Bordeaux, 30 à Lyon et 33 à Toulouse. RTL, 10h passé de 3 minutes. Le retour du Grand Quiz de l'été avec Caroline Diamant, Bruno Guillon. Merci Gauthier. On vous retrouve tout à l'heure 11h sur RTL. À tout à l'heure. Mes chers compatriotes, Carole Gessler sur RTL. Qui ne s'est pas dit un jour, moi président, je ferai ceci ou cela? Eh bien, dans mes chers compatriotes, mon invité endosse pendant une heure l'habit présidentiel, son programme, ses idées, son équipe, son gouvernement. Tous nos invités ont accepté de jouer le jeu et leurs propositions sont parfois étonnantes. Alors rendez-vous ce week-end, 11h, sur RTL. Chers parents, à vos agendas. Chez Intermarché, c'est la rentrée la moins chère de France. Ça démarre quand ? C'est maintenant, avec des prix hallucinants sur la papeterie. À vous les bonnes notes en économie. Notez bien, les prix de rentrée les moins chers de France sont déjà chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Du 16 au 28 août, conditions et magasins participants sur intermarché.com. Edelweiss ! S'il vous plaît ! Nous sommes réunis ici au cœur des Alpes pour unir les arômes fruits des bois et fleurs de sureau dans la bière Edelweiss. Fleurs de sureau, voulez-vous devenir une saveur inédite de la bière Edelweiss ? Oui, je le veux. Fruits des bois, promettez-vous de la rendre unique et délicieuse ? Oui. Alors je vous déclare bière Edelweiss aromatisée, fruits des bois et fleurs de sureau. Vous pouvez déguster la bouteille. Edelweiss au sommet du goût. Et découvrez aussi Edelweiss, l'original blanche, née dans les Alpes. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Deuxième heure du grand quiz de l'été en ce vendredi. Deuxième heure pour tenter de repartir avec un séjour à Disneyland Paris avec des chèques de 1000 euros. Vous pouvez nous appeler maintenant. Ils sont là, au standard RTL, 3210, ou bien vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Nous aurons plaisir à vous accueillir ici, à l'antenne, durant cette deuxième heure, aux côtés de Caroline Diamant. Coucou, c'est moi, je suis là. Je suis ravie d'être avec vous pour cette deuxième heure. Et une Caroline peut en cacher une autre. Oh, moi, il paraît que je peux en cacher trois. En tout cas, ça me fait plaisir qu'il y ait des femmes avec des aussi jolis prénoms qui nous appellent pour jouer. Bonjour, bonjour Caroline. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Vous habitez à Fécamp, Caroline? Oui. À Fécamp, en Normandie. D'accord. Vous avez la voix à peu près aiguë comme moi. Oui. Physiquement, je suis à peu près comme vous aussi. Un peu plus grande peut-être. Ah, mais donc très belle. Un petit peu rondelette. Oui, très très belle, oui, oui. Ah, bon. C'est ce que je voulais dire. Ben voilà, bien sûr, attendez, on est belle. Big is oui. Beautiful. Oui. N'est-ce pas ? Alors, vous avez la particularité d'avoir un ami qui est le sosie de Bruno Guillon. Ah oui, dès que je le vois, je pense à Bruno Guillon. Ah bah écoutez, ça me fait très plaisir. Ouais, lui peut-être un peu moins. Lui peut-être un peu moins. Un peu moins maintenant parce qu'il est un peu plus rond que vous, mais il me fait beaucoup penser à vous physiquement, quoi. Ah bah c'est gentil. Écoutez, envoyez une photo de votre ami quand même. Vous, oui, c'est gentil. Ouais, ça marche. Voilà, vous savez, sur la page Facebook du Grand Quiz de l'été sur RTL. Tiens, d'ailleurs, c'est bien que vous parliez de la page Facebook, chère Caroline. Je voudrais qu'on embrasse ce matin, et Caroline, vous allez le faire avec nous, un auditeur d'RTL qui s'appelle Denis, qui a posté un message extrêmement adorable sur la page Facebook, et puisqu'on est en train de parler de notre physique, celui de Caroline et le mien, voilà, il a posté cette phrase que je trouve extraordinaire. C'est un couple très sympa, il parle de nous deux, Caroline, oui. Et ça fait plaisir. Bien sûr. Enfin, des animateurs embauchés pour eux, pas pour leur physique. Et ben moi, j'ai envie de dire merci Denis, car oui, nous avons ce que l'on appelle un physique de... un physique de radio. Je le prends très bien. Caroline. Oui. Un petit peu de musique. Oui. Caroline. Oui. Arrêtez la musique derrière moi. Je sais que vous l'aimez, Caroline. Oh, je l'aime. Ouais, moi aussi. Merci, maman, d'ailleurs. Vous l'avez reconnu ? Phil Collins. Phil Collins. Bien sûr. Groovy Kind of Love. Je me permettrai pas de chanter, mais. C'est très beau. Oh, Bruno se le permet bien de temps en temps. Ouais, non, mais pas sur du Phil Collins. Je voudrais pas fuir vos auditeurs. On s'en occupe. Phil Collins, je crois qu'on lui doit, sans exagérer, un des plus beaux slows d'été. C'est vrai, regardez, je vous mets dans l'ambiance. Imaginez, Caroline, hop, nous sommes tous les deux sur une plage. Vous parlez à laquelle ? C'est à quoi je parle aux deux ? On danse à trois, parce que sinon je me sens un peu mise de côté. Plage. Scène de film. 35 degrés. Nous nous roulons dans le sable, à moitié nu, et la musique part derrière nous. Ouais, je vous laisse, il fait trop chaud pour moi. Un mojito, Caroline ? Non, toujours sans alcool alors. Ah, comme moi. Bah, c'est vrai qu'on a des points communs, dites donc. Bon, c'est pas grave, voilà. Je vais m'en servir à moi. Oh, oui, bah écoutez, arrêtez après que vous ayez bu, on veut pas savoir après où passe l'eau. Je veux vous poser une question. Oui, d'accord. Caroline, c'est vous qui allez donner le premier score de cette nouvelle heure. Vous tentez de donner un maximum de bonnes réponses et 10 bonnes réponses d'affilée, ça vous permettra de repartir avec un chèque de 1000 euros. D'accord ? Mm-hmm, d'accord, j'espère pas être trop ridicule. Tous mes enfants m'écoutent en bas. Donc. Il faut que vous sachiez quelque chose, Caroline, et à tous les auditeurs d'Artel. Quand vous arrivez ici en direct à l'antenne, le ridicule, c'est moi. Voilà. Donc moi, je prends la partie du ridicule et vous, vous êtes là pour jouer. On y va, Caroline, top chrono, c'est parti. À quel fromage de chèvre AOC le nom de Chavignol est-il associé ? Je passe. Quel mode de cuisson consiste à placer un récipient dans de l'eau chaude ? En bain-marie. Quelle profession est liée à Séville dans le titre d'un opéra de Rossini ? Passe. Quel est le prénom du magicien Majax ? Gérard. Quel mot italien désigne le fait de vouloir rester anonyme ? Incognito. Quel humoriste essaye d'amadouer son digicode ? Danny Boone. Quelle ville allemande est la capitale de la Bavière ? Ville allemande, Berlin. À quelle romancière des proches demande-t-il « Comment ça va, la petite santé ?» Je passe. De quelle couleur est la fleur de colza ? Colza, c'est jaune. De quel département la ville de Lons-le-Saunier est-elle le chef-lieu ? N'y passe. Qui est l'assistant personnel de Charlie auprès des drôles de dames ? Je passe, je sais plus. Quel comédien voit son corps devenir incontrôlable en 2006 au cinéma ? Danny Boone. Eh non. Je sais plus. C'est Michael Youn. Bon, Caroline. C'est plus facile, oui. Ça va être une histoire de Caroline. Caroline est en train de voir vos bonnes, vos mauvaises réponses, d'accord ? Oui, dans quelques secondes, nous allons revenir dessus pour savoir combien de bonnes réponses vous avez données. Le temps d'écouter un petit peu de musique, si vous le voulez bien, chère Caroline. Bien sûr. Nous sommes en 1993. Fawn and Blondes, c'est sur RTL. Voici What's Up. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. 35 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Four Non-Blondes sur RTL. RTL, le grand quiz. Le grand quiz de l'été. Grand quiz de l'été avec Caroline qui a joué avec nous tout à l'heure. Caroline, vous êtes de retour? Oui. Oui, je suis là. Je parle à l'auditrice. Caroline est là aussi. Ah, mais moi aussi, je suis de retour. Hein. J'ai le droit de répondre quand vous dites Caroline. Bon, vous savez quoi? Je vous laisse entre vous, histoire de Caroline, pour revenir sur vos différentes réponses. Alors, Caroline, c'est Caroline qui vous parle. Le fromage de chèvre d'appellation d'origine contrôlée du Chavignol, c'est le crottin. Crottin, le crottin de Chavignol. Ça, je pense que c'est le stress. Le barbier ça, oui. Dans l'opéra de Rossini. Barbier de Séville, mais oui. Voilà. Et oui, c'était sa profession. Gérard Majax, vous l'avez tout à fait retrouvé. Incognito également. Alors, ce n'est pas Danny Boone qui... Non, c'est qui est... Clint Eastwood. Alors non plus. Non, alors, non plus, bon, pas comme ça. Non, bah, c'est Marc Jolivet. Regardez, on va oh, les oui, regarder. Écoutez plutôt. Jigod, Rudy, Jigod, tu me reconnais? Bon. Je t'explique. J'habite les mobs, mais je me souviens plus du code. Tu peux m'ouvrir des G-codes, tu seras gentil. Des G-codes ou des G-codes. Tu te souviens de moi? Je suis le locataire du 5 et de 23 de ma main. J'habite le rez-de-chaussée. Écoutez, toujours aussi culte ce c'est sketch. Du vécu. La ville allemande capitale de la Bavière, c'est Munich, là où il y a la fête de la bière, entre autres et plein d'autres choses. La romancière à laquelle des proches demandent « Comment ça va la petite santé ?» c'est Françoise Sagan. Je vous propose qu'on écoute un extrait, pas de cette phrase, mais où des proches parlent à Françoise Sagan. Françoise Sagan, qu'est-ce que je veux dire? Tiens, pas mal, cette, la robe là, c'est bien ça, c'est pas mal comme tissu ça, c'est quoi? Oh, c'est un mélange de toile, de flanelle, de drap, je sais pas quoi, c'est une chose. Hein. Ça plus, je pense, ça. Non, ça bouge pas, ce tissu assez sec. Vous savez qu'on parlait du Digicode tout à l'heure et là on écoutait Pierre Desproges. Pierre Desproges avait une phrase magnifique, je suis fan de Pierre Desproges, c'est « L'alcool tue, mais combien sont nés grâce à lui ?» C'est quel romantisme, c'est Bruno. C'est du Desproges dans le texte. Le département dont la ville de Lons-le-Saunier est le chef-lieu, c'est le Jura. Et notre assistante merveilleuse et souriante qui vient du Jura nous a mis des points d'exclamation. Ouais, mais déjà qu'elle a eu Four Non-Blondes il y a 3 minutes, c'est un peu sa journée, Véronique, hein, je vous le dis. Hein. L'assistant personnel de Charlie auprès des drôles de dames, vous sais. Savez, c'est le fameux Bosley. Oui, ben oui. John Bosley. Avec ce générique mythique où je cours avec deux copines sur la plage. Oui. Ah, c'était pas moi. Non, c'était pas moi. Voilà, et notre cher Bruno vous a dit que c'était Michael Youn et non pas Danny Boone. Vous aimez bien Danny Boone, j'ai l'impression. Hein. Ben oui, moi je suis né à Dunkerque, donc tout près d'Armentières. D'accord. Eh bien, voilà. Très bien. Bon, on embrasse Danny Boone aussi. Hein. Caroline, vous avez cumulé 4 bonnes réponses. Vous êtes le premier score de l'heure. Donc, cela veut dire que maintenant, les gens qui veulent gagner le séjour, il va falloir faire un minima 4. D'accord ? D'accord. On vous offre une montre RTL. Merci beaucoup pour ce moment. C'était très agréable. Et Bruno, j'ai un petit message à vous passer. Ma sœur vous adore et elle vous fait de gros bisous. Eh bien, vous savez quoi ? J'embrasse votre sœur et toute la famille. Ça marche. Je vous Bonne embrasse. Journée. Au revoir, Caroline. Au revoir. Au revoir. Il y a aussi une autre phrase de Desproges que j'adore. Ouais, je suis vraiment fan de Desproges. C'est le lundi, je suis comme Robinson Crusoe et j'attends vendredi. Quel génie. Bon, n'attendez pas, on va revenir en direct sur RTL dans quelques secondes. C'est le grand quiz de l'été. Vous voulez jouer avec nous? Eh bien, tant mieux, nous vous attendons. Vous appelez le 3210. Les violons, ça fait rêver. Oui, rêvons sur RTL. À tout de suite. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis chez Lidl là. Dis quoi encore? T'as pas la pêche? Ah c'est ça, par contre ici ils ont la nectarine. Hein. Je dois rigoler peut-être là. Oh non, désolé, mais quand aujourd'hui et demain, ils nous font la barquette d'un kilo de nectarine origine France à 1,69€, le moral en prend un coup. 1,69€ la barquette d'un kilo de nectarine? Ah pour le coup, ça vaut le coup. Ah si vous faites de la pub pour Lidl patron, ah, là on est mal. Hein. Ah, on est très mal, je sais. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,69€ le kilo, catégorie 1, calibre 56-61, chair jaune ou blanche selon magasin, origine France. Pourquoi tu allumes une bougie, papy ? Une première bougie va s'éteindre, mais avec elle, une autre bougie va s'allumer. Quand la deuxième bougie s'éteindra, une troisième scintillera encore.

Bonjour à vous. Bienvenue, bonjour Thierry. Bienvenue sur l'antenne d'RTL. C'est gentil, merci. Vous êtes dans l'éducation, c'est cela ? Voilà, éducation nationale, assistant d'éducation, lycée professionnel. D'accord, la rentrée, ça se prépare, on y pense un peu ou pas encore ? On y pense un peu, oui, c'est bientôt, mais bon, on essaye de profiter des derniers jours. Ouais, et vu l'endroit où vous habitez, vous pouvez profiter à bon escient, on est pas très loin de Marseille, hein, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça, c'est le pays des cigales. Eh oui, forcément, et puis alors en plus, vous devez profiter, puisque je vois que vous faites de la plongée sous-marine. Absolument. Vous êtes quel niveau ? 4. Niveau 4, assez alors, bien. C'est quoi ? C'est le mieux, c'est quoi ? Ça part de 1 ou ça part de... Voilà, ça part de 1, ça va jusqu'à 4, et voilà. Après il y a moniteur fédéral. Ah oui, oui. Ah bah donc vous avez un excellent niveau. Ouais. Et après, on peut faire des plongées de nuit ou des plongées sous nitrox, c'est ça Thierry ? Ouais, enfin moi j'utilise pas, je plonge à l'air comprimé, mais d'accord. Oui, on peut aussi, ouais. Oui. Ok, bon ben moi je reviens quand je comprendrai votre conversation. Vous me branchez là-dessus, Caroline, je vous le dis, voilà, moi je suis niveau 2. Voilà. Ah, non. Oui, je suis niveau 2 de plongée. Ah ouais, mais moi je suis niveau zéro. Voilà. Bon, Thierry, vous aussi vous êtes fan de Dépêche Mode. On a écouté un extrait tout à l'heure, ça a dû bien vous faire plaisir. Oui, absolument. Thierry, c'est Caroline qui va vous poser les questions dans quelques secondes. Il y a un score à battre ce matin, c'est 4 pour cette nouvelle heure, d'accord ? Ok. Bah, même chose que d'habitude, hein, 10 bonnes réponses d'affilée et vous pourrez prétendre à un chèque de 1000 euros. Il est là, il y a juste un nom à rajouter. Très bien. Vous êtes prêt à jouer ? Absolument. Eh bien, on va le faire ensemble après la pub. Les questions de l'histoire. Le rendez-vous incontournable de Stéphane Bern tout l'été sur RTL. Tout le monde sait que l'histoire n'a pas de secret pour Stéphane Bern. Passionnante, inattendue, il nous invite à découvrir les plus grandes énigmes historiques. Les questions de l'histoire. Découvrez-les cet été, du lundi au vendredi, à 7h20, 12h25 et 22h sur RTL. Bonne année scolaire avec Carrefour. Papa, pour la rentrée, il me faut des cahiers grand format. Ben profites-en, jusqu'au 5 septembre, il y a 50% d'économie sur la carte Carrefour, sur les cahiers Infinium Oxford. Oh, ah oui, les Infinium, ils sont top. Avec ça, je sens que je vais cartonner dans toutes les matières. Ben si on avait su, on les aurait achetés plus tôt. Pour une bonne année scolaire avec Carrefour, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits de marque, comme le cahier Infinium Oxford. Cahier agrafé Infinium 24x32, 96 pages, grand carreau. Modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Vous êtes sur la route des vacances. C'est long, la route des vacances. À l'arrière, les enfants dorment. Du coup, c'est le moment d'en profiter. Les enfants, ça vous dirait qu'on passe chez McDo ? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Vous savez qu'à chaque fois qu'on prend un menu et un Happy Meal, McDo nous offre un DVD et sa copie digitale. Ça vous va si c'est moi qui choisis le film ? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Offre valable pour l'achat simultané d'un menu best-of ou maxi-best-of ou menu salade ou McFirst et d'un menu Happy Meal. Choix du titre DVD parmi 5 titres selon disponibilité en restaurant. Voir conditions sur mcdonalds.fr. Durée limitée. Jusqu'au 13 septembre, jusqu'à moins 40% sur les tops de la rentrée chez Conforama. Moi je vous le dis, elle va être top cette rentrée. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. RTL, le grand quiz de l'été. C'est Thierry qui habite à côté de Marseille et qui joue avec nous ce matin au grand quiz de l'été, qui va tenter de répondre aux questions que va poser Caroline Diamant. Thierry, est-ce que vous êtes prêt ? Oui. Caroline ? Auriez-vous l'extrême obligeance de poser les questions à notre auditeur, je vous prie ? Oui, je congédie mes laquais et j'attaque immédiatement. Très bien, allons-y, top chrono. Quel nom porte la jupe de tulle portée par les danseuses classiques ? Le tutu. De quel chanteur Françoise Dolto était-elle la mère ? Carlos. De quel animal mangez-vous la viande en dégustant un Chateaubriand ? Du bœuf. En sport, quel nom désigne la tranche d'âge entre Benjamin et Cadet ? Je passe. De quelle boisson la cervoise des Gaulois est-elle l'ancêtre ? La bière. En France, quel fil d'installation électrique est vert et jaune ? La terre. Au blackjack, quel total de points ne faut-il surtout pas dépasser ? 21. Quel Edmond de la littérature a été emprisonné au château d'If ? Edmond Rostand. De quel légume Coluche disait-il que c'est un vrai plat de pauvre ? L'artichaut. En France, quelle est la seule femme à avoir été Premier ministre ? Edith Cresson. Pour quel bonbon Dominique Lavanant a-t-elle fait une publicité en 1994 ? Le bonbon Haribo. Quel célèbre trio forme Croquignol, Riboulding et Filochard ? C'est les patibulaires. Non. Ah. Les pieds nickelés. Ah oui, les pieds nickelés. J'adorais les pieds nickelés. Ça a été une de mes premières BD, je pense, que j'ai lu. C'était chez mon papier, ma mamie, ils avaient un pied nickelé. C'est vrai, moi, c'était Bibi Fricotin. Ouais, mais c'était la même époque. Hein. Ouais, mais Bibi Fricotin, je crois que c'était même après les pieds nickelés. Bon, Thierry, on revient, si vous le voulez bien, sur vos différentes réponses. Vous avez bien démarré, le tutu, c'était bon. Françoise Dolto, bien entendu, maman de Carlos. Papayou, papayou, papayou, papayou, lélé. C'est le plus beau des papayou, lélé. Qui a fait les grandes heures des grosses têtes, Carlos, à l'époque. Qu'est-ce qu'il était drôle. L'animal que vous mangez quand vous dégustez un Chateaubriand, c'est du bœuf, vous l'avez bien dit. Vous avez hésité, vous avez bien fait, dans ces cas-là, vaut mieux passer. La tranche d'âge entre les Benjamins et les cadets, ce sont les minimes. Oui. Quel Edmond de la littérature a été emprisonné au château d'If? Ce n'est pas Edmond Rostand, puisque lui, c'est un auteur. C'est Edmond Dantès. D'accord. Et de quel légume Coluche disait-il que c'est un vrai plat de pauvre? Vous avez dit les artichauts. Moi, j'aimerais bien qu'on réécoute un petit extrait de ce sketch qui est culte. Les artichauts, c'est un vrai plat de pauvre. C'est le seul plat que quand t'as fini de manger, t'en as plus dans ton assiette que quand t'as commencé. J'adore. Edith Cresson a bel, été, bel et bien été la seule femme à avoir été Premier ministre. Et puis cette pub de 1994. Extraordinaire, Dominique Lavanant. C'était pas une pub pour les bonbons Haribo, mais pour ces bonbons-là, écoutez. Je ne bois pas, je ne fume pas, mais qu'est-ce que je peux sucer, comme ceux des Vosges. Elles ont bon goût, les boîtes lavogiennes. Aujourd'hui, on ferait plus de pub. J'avais oublié. Mais oui. Que c'était aussi quand même olé olé. Ouais, non non, plutôt politiquement incorrect. Mais ah c'est oui. Vrai qu'aujourd'hui, on diffuserait difficilement ce genre de publicité. C'est bien dommage. Bon alors, cher Thierry. Il fallait 4 bonnes réponses pour être dans la course pour le séjour à gagner avant 11h du matin. Eh bien, vous en avez 8 et vous prenez donc la tête de cette nouvelle heure. Bien, super. Thierry, de deux choses l'une. La première, je vous offre une montre RTL. D'accord. Et la seconde, rendez-vous peut-être tout à l'heure avant 11h du matin pour vous offrir un séjour à Disneyland Paris. D'accord Thierry? Impeccable, super. On vous embrasse. Merci beaucoup. Nous avons parlé en début d'émission de Toto avec un auditeur qui avait joué avec nous. Je crois que c'était Cyril qui avait dit « Je suis fan de Toto ». J'avais dit « Je vais regarder dans la discothèque d'RTL ». Je peux vous dire qu'elle est bien rangée, la discothèque d'RTL. Et Dieu sait qu'en 50 ans d'RTL, il y en a du disque. Et dans l'été, je suis tombé sur mes trucs. Je regardais hop, Thierry Pastor. Non, c'est pas ça. Thierry Hazard. Non, c'est pas ça. Tartampion. Je sais pas qui c'est. Et à un moment, Toto. Et là, Toto, je l'écoute. Je dis oui, c'est celui qu'on va passer ce matin sur RTL. Écoutez. Line. Et c'est vrai que quand vous avez Caro et moi, on a Toto. Oui, puisque 0 plus 0 égale la tête à Toto. Allez. Beach Party, le volume 2 de la compilation des années 60. George Lang. Beach Party, la plage, le soleil, le surf, les palmiers, les voitures, les vacances, comme en Californie dans les good old 60s. Revivez l'ambiance de l'émission Beach Party sur RTL dans le luxueux coffret Beach Party volume 2, 4 CD, 116 titres. Le meilleur des années 60, programmé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Et n'attendez pas le dernier moment pour les fournitures scolaires, hein? Aujourd'hui et demain, chez U, grâce à votre carte U, 10 euros vous seront offerts en euro carte U tous les 20 euros d'achat dans les rayons papeterie, écriture, classement et calculatrice. 10 euros tous les 20 euros, comme dirait votre ado. Ça le fait grave. Conditions dans les magasins U participants et sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Pour poser la clôture de leur nouvelle maison, Audrey et Arnaud ont eu deux idées. Profiter du mois d'août pour le faire et bénéficier des promos Bricomarché. Vous avez des idées? Bricomarché a les prix. Du 10 au 21 août, Bricomarché crédite sur votre carte fidélité 15 euros par tranche de 100 euros d'achat. Et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire moins cher. 15 euros par tranche de 100 euros, magasin participant sur bricomarché.com. RTL, le grand quiz de l'été. Et on va accueillir tout de suite Alix qui s'est inscrite par SMS et qui va jouer avec nous. Bonjour Alix. Bonjour Caroline, bonjour Bruno. Bonjour Alix, bienvenue sur RTL. Vous êtes professeur d'anglais Alix. Tout à fait. You know that our Taylor is rich. un classique. Mais bien sûr. Brian is in the kitchen. No. Yes. He is. Absolutely. Bon, ça va sur la prononciation des titres en anglais, Alix, on se débrouille, ça va? Vous êtes pas mal. Bon, vous dites... moi, je suis mieux que lui là-dessus. C'est le seul truc. Je vais pas le dire, Caroline, mais je suis assez d'accord avec vous. Bah oui, attendez, on est entre nous, Alix, on se le dit, on se dit les choses. Alors, vous habitez, j'ai du mal à lire, pour être très honnête, la fiche des standardistes. Parce que autant l'anglais c'est parfait, mais sur le français, elle galère un peu. Vous habitez où? À Chauny. À Chauny, voilà, très bien, c'est voilà. Un grec. C'est près de Saint-Quentin, dans l'Aisne. D'accord, ok. Eh bien écoutez, et alors vous avez, vos passions sont la littérature et le cinéma. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu quel genre de littérature, quel genre de cinéma? Alors littérature, ça va être les bons gros classiques anglais. Voilà, par exemple, j'aime beaucoup Jane Austen, Shakespeare. Yes. Et le cinéma, c'est très diversifié, mais c'est beaucoup de cinéma américain quand même. Mm-hmm. On va pas se mentir, Tim Burton, Scorsese, Tarantino, très varié quoi. Ouais, on est quand même sur du cinéma de qualité, attention. Oui, je trouve aussi. Alix, c'est moi qui vous pose les questions. D'accord. I am going to pose you some questions. If you had the good response, it's a good plan. Because you can win the voyage at Disney. Oh yes. If you have 10 bonnes réponses at the suite, you can win 1000 euros. That is correspondre à 960 livres. But not so sure. Are you prête? I'm ready. Ok. Top chrono, on y va. Avec quel comédien Olivier Barou forma-t-il un célèbre duo comique? Je passe. Quel animal est un congre? Un cheval. Dans quel sport le français Sébastien Chabal s'est-il illustré? Le rugby. À quel chanteur doit-on le titre Tombe la neige? Je passe. Que vous donne un Québécois si vous recevez un bec de sa part? Un bisou. Quel morceau de tissu rouge a fait la réputation de la ville de Cholet? Le mouchoir. Quel sport pratique Harry Potter sur son balai volant? Le Quidditch. Dans quel nom d'île précède Police d'État dans le titre d'une célèbre série policière? Hawaï. Quel chromosome les hommes ont-ils que les femmes n'ont pas? Y. Quelle radio est évoquée par Philippe Laville dans Il tape sur des bambous? RTL. Dans quelle ville se trouve la maison d'Anne Frank? Vienne. Quel est le plus vieux pont de Paris? Le pont des Arts. Et non. Et alors, c'est vrai que c'est sa particularité. Mais il en a parlé, notre ami Laurent Deutsch, que vous retrouvez tous les matins et tous les jours entre midi et 14h sur RTL, dans ses balades, justement, d'endroits parisiens. Le plus vieux pont de Paris s'appelle, aussi bizarre que cela puisse paraître, le Pont Neuf. Pont Neuf, tout à fait. Oui. On revient sur vos réponses, bonnes comme mauvaises, chère Alix, avec Caroline. Ce duo comique formé par Olivier Barou est le nom qu'il vous manquait. Cadmerade, KDO. On écoute un extrait. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Camoulox avec deux nouveaux candidats. Sur votre gauche, Gérald Guillermo. Bonsoir Gérald. Bonsoir, je m'appelle Gérald Guillermo, j'ai 54 ans, je suis pilote de ligne. Air France ? Non, la RATP, la ligne B du RER. Marié, avec des enfants Gérald ? Non, je suis pas marié avec des enfants, je suis pas un détraqué, moi je suis équilibriste dans ma tête, tout va bien. Vous avez un loisir, un hobby Gérald ? Oui, je fais un petit peu de modélisme le soir avant de me coucher. Vous faites des maquettes de bateaux, d'avions, ce genre de choses ? Non, non, juste du modélisme. Voilà. Et après les trucs du Camoulox, voilà par exemple, j'embrasse une télé-sève 9e et je me marie avec un cheval. Camoulox, voilà, chose comme ça. Moi je peux rire 14 ans, vraiment. L'animal qui est un congre, vous en avez fait un cheval, alors on va lui ôter les pattes. Et C'est un poisson très laid, c'est un peu comme une grosse anguille le congre. Oui, ah, d'accord. Ouais. Voilà, d'accord, c'est un poisson. Mais peut-être que vous avez confondu avec le hongre. Avec le hongre, oui. Il y a un film qui est génial d'ailleurs, où on voit le gros poisson qui monte sur un immeuble à New York et tout, qui est King Kong. Je sais pas si. Je vais y aller, moi. Je sais pas. Moi, je voudrais un petit coup de cymbale, personnellement. Bravo, Sébastien Chabal s'est illustré au rugby. Le titre Tombe la neige, c'est cet artiste qu'on la doit, Salvatore Adamo. Tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige. Et mon cœur s'habille de noir. J'adore cet artiste, c'est un homme délicieux. Chaque fois qu'on l'a reçu, il est vraiment charmant. J'adore. Je l'embrasse. Salvatore Adamo, je vous embrasse. Alors après, vous avez fait une bonne série de bonnes réponses. Un bec chez les Québécois, c'est un baiser. Je fais très mal l'accent. Je me suis lanché parce que j'ai peur de rien. Mais lanchez-vous si vous voulez vous lancher. Ouais. On ne vous retiendra jamais de vous lancher, hein, Caroline. Bah, vous savez, ma langue natale, c'est l'anglais. Je vois ça. Le nom qui précède... Police d'État dans le titre d'une série policière, c'est effectivement Hawaï. Alors, la question posée, quel chromosome les hommes ont-ils que les femmes n'ont pas ? Vous avez répondu le Y, vous avez raison. Même si j'aurais aimé qu'on pose, et je dis ça aux auteurs, la question différemment, quel chromosome les hommes nous envient-ils ? Le Y. Alors, la radio qui est évoquée par Philippe Laville dans Il tape sur des bambous, ce n'est pas RTL, c'est Radio Jamaïque dans un autre genre. Il tape sur des bambous et ses numéros. Dans son île, on est fou comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque, il a du copain. Mais il écoute RTL car il trouve ça bien. Mais si, ça le dit aussi dans la chanson. Alors la ville dans laquelle se trouve la maison d'Anne Frank, c'est Amsterdam. C'est une maison qu'on peut toujours visiter. Oui, exactement, avec le musée Anne Frank qui est juste à côté. Oui. Et c'est prenant, c'est... Oui, il faut le faire quand on va à Amsterdam, absolument. Et pour le Pont Neuf, Bruno vous a dit gentiment ce qu'il en était. Bon, Alix. I have something to announce to you, oh dear my God. Alix. Please, dites-lui en français. Vous deviez attendre 8 bonnes réponses, ce ne sera pas suffisant, Alix. J'imagine, vous en avez 6, mais 6 bonnes réponses, ce sera assez pour repartir avec une montre RTL. D'accord ? Eh bien, super. On vous embrasse, Alix. Plein de baisers. Oui, moi aussi. Et permettez-moi de vous dire, Bruno, que vous êtes très élégant aujourd'hui. C'est gentil, merci beaucoup. C'est-à-dire que les autres jours, ça n'est pas le cas. On vous embrasse. Moi de même. Une montre RTL, c'est ce que vous gagnez en arrivant systématiquement ici, en direct à l'antenne, en jouant avec Caroline et moi. Une montre RTL, ça vous change la vie. S'il avait une montre RTL... Le chanteur d'élégance n'aurait jamais attaqué sa chanson comme ça. J'ai la montre arrêtée, je sais même pas l'heure qu'il est. Le téléphone a sonné, je me suis pas réveillé. Direction salle de bain, je me fais couler un bain. Regardant le miroir, pas beau à voir. En retard sur l'horaire, plus besoin de se presser. Radio libre allumée, top, pas de publicité. Une chanson bien cotée, c'est le tube de l'été. Me fait flipper de la tête aux pieds. Je comment s'arranger, car ce soir terminé, je serai sur la route avec bison futé. Je suis pas seul à rêver du ciel bleu des palmiers et des jours sans problème, c'est la vie que j'aime. Besoin de penser, on ne peut pas résister. Restaurant, boîte de nuit, tout ce qu'on a envie. On peut manger à minuit et se coucher à midi. Plus de temps, plus d'horaire, les vacances c'est super. Allongé sur le sable, bercé par les vagues. Petit corps bronzé, des vêtements de moitié. À l'abri du soleil, sous ton chapeau de paille. Tu te fous des regards qui se posent sur toi. Je m'approche près d'elle, je souris et lui dis: qu'est-ce que vous faites ce soir? Rien de précis, elle me dit: petite boîte de nuit, soirée champ et whisky. Ambiance folie toute la nuit. Parce qu'on parle des vacances en juillet, en août, mais il y a quand même plus de 50% des Français qui restent chez eux. Et c'est aussi pour ceux-là que nous sommes ici, en direct sur RTL chaque matin. C'était Élégance, titre des années 80. Vacances, j'oublie tout. RTL. Le grand quiz de l'été. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et Ivan, qui est au téléphone avec nous, à côté de Lyon. Bonjour Ivan. Bonjour à vous deux. Bonjour Ivan, bienvenue sur RTL. Eh bien, merci de m'accueillir. Ça fait un petit bout de temps que j'essaye et j'y arrive enfin ce matin. Eh bien, vous voyez comme quoi patience et longueur de temps valent mieux que force ni que rage. Exact. Je viens de trouver cette phrase, j'ai ajouté quelque part. J'allais dire, c'est pas mal. Vous venez de la créer, ça s'entend. Il est tellement sûr de lui quand il a dit que. Oui, c'est ça. Je sais, c'est confondant. Ivan, vous êtes géomètre. Oui. Alors, géomètre, c'est-à-dire, pour rentrer dans le détail de votre profession. Alors, au moment de l'élaboration d'une construction, par exemple. Eh ben, on va intervenir au tout début. C'est nous qui allons faire les relevés du terrain pour qu'ensuite les architectes puissent poser une maison dessus. Et également, tant que géomètre expert, nous sommes habilités par l'État pour définir la limite des propriétés. pour pas avoir de conflits avec le voisinage par la suite. D'accord. Et en même temps, c'est bien qu'il y ait quelques conflits avec le voisinage. Ça permet à notre camarade Julien Courbet de faire d'excellentes émissions, tant de télévision que de radio. Et s'il n'y a plus de conflits de voisinage, au bout d'un moment, il serait ennuyé. Donc, merci d'en conserver quelques-uns, s'il vous plaît. Ah ouais, non, mais on résout jamais tout, hein, de toute façon. Ivan, allez, un peu de musique pour vous détendre. Parle-moi de tes silences avec ta bouche et tes bras. Entre dans la danse. Un peu de Marc Lavoine. Justement, tout à l'heure, j'ai entendu Marc Lavoine. Je me suis dit, ils vont me rappeler. Et puis, c'était pas moi, c'était Hervé. Dis-moi que l'amour ne s'arrête pas. Vous savez, des fois, on choisit une partie physique de quelqu'un en disant, tiens, j'aimerais avoir qui ses fesses, qui ses yeux. J'adorerais avoir la voix de Marc Lavoine. Ah ben. Il a une voix, un grain de voix, mais même quand il parle. Moi, je m'en fous, j'ai la même, donc. Déjà. Offre-moi l'opéra. Offre-moi des roses. Ivan, un autre titre que vous aimez beaucoup. On en parlait cette semaine, je crois que c'est hier qu'on disait tout le bien que l'on pensait d'Yves Simon. J'ai rêvé. Oh, c'est une blague. Je pense j'ai rêvé. Non, c'est pas une blague. On avait une question sur le film de Diane Curis, Diabolomante, et on avait passé un extrait de Diabolomante. Ah oui, si, j'ai entendu la question, ouais, mais après, je suis parti, justement. J'ai senti que je serais pas appelé hier matin, donc. Ah d'accord. Ah, donc vous êtes du genre, si on vous appelle pas, vous. Vous zappez. Monsieur Lister Young. D'accord. Comment ? Non, je dis vous êtes du genre, Ivan, si on vous appelle pas, vous zappez. Vous êtes en colère, vous dites, oh, monsieur, c'est comme non, ça. Non, mais bon, il faut bien s'occuper de la maison, de tout c'est ça. Vrai. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, à un moment donné, il faut aller chercher le pain, nourrir les enfants, changer les couches, parce que le matin, quand je m'inscris, ben, je laisse les couches pleines, donc bon, c'est pas top. Quoi. Ivan, allez, un peu de sérieux, c'est Caroline qui va vous poser des questions pendant une minute, d'accord ? Une minute durant laquelle vous allez devoir donner à minima 8 bonnes réponses si vous voulez gagner le séjour à la fin de cette heure. Et si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, vous aurez en plus un chèque de 1000 euros. Est-ce que vous êtes prêt, cher Ivan ? Eh ben, soyons prêts. Espérons que les jumeaux ne vont pas faire de bêtises pendant ce temps-là. Je vous le souhaite également. Ils ont une minute. Top chrono, c'est parti. Quel est le titre français de la série télévisée The Love Boat ? La croisière s'amuse. Quelle ville des Alpes-Maritimes est considérée comme la capitale mondiale des parfums ? Grasse. De quel groupe de hip-hop Fergie Ferguson est-elle la chanteuse ? Passe. Avec quel alcool prépare-t-on un daiquiri ? Rhum. Comment appelle-t-on le petit cercle rasé au sommet de la tête des ecclésiastiques ? Une tonsure. Quel mot désigne la profondeur d'un soutien-gorge ? Le bonnet. Quel était le prénom du grand guitariste Zappa ? Passe. Quelle unité de vitesse équivaut à 1000 marins par heure ? Passe. Quel pays imaginaire regorgeait d'or selon les conquistadors ? Eldorado. Quel animal est le héros du film La Marche de l'Empereur ? Pingouin. Manchot empereur. Quel insecte définit une catégorie de poids en boxe professionnelle ? Mouche. Et ça va s'arrêter là. Nous allons revenir, Ivan, sur vos réponses, si vous le voulez bien. Passez-moi les jumeaux, l'espace de 2 secondes, vous allez voir, je vais mettre un peu d'ordre là-dedans. Vous allez voir, vous allez voir. Ils ont quel âge ? Ils ont 1 an et demi. D'accord, ils s'appellent comment ? Leur père, c'est Oscar qui essaye de bailler la terrasse. Ouais. Et Corentin, il approche avec la poussette. Bon, alors passez-moi Corentin. Ah. Corentin, le pédagogue. C'est pas, non, mais c'est... Corentin, garde à vous. Papa est à la radio sur RTL. Papa va peut-être gagner un séjour chez Mickey. Donc en attendant, on le laisse tranquille. Voilà. Et, ça fait sourire en tout cas. Vous avez vu ? Et ça bronche plus. Ça ne ouais, mais plus. Surtout, c'est qu'ils sont attirés par les nouvelles technologies. Donc le téléphone, c'est l'objet de convoitises extrêmes. Bon, on va vite revenir sur vos réponses, Ivan, pour vous laisser vous occuper de vos deux enfants. La croisière s'amuse, c'est en effet The Love Boat. Love Boat. Exciting and new. Isaac, au bar. Gopher, le capitaine Stubby. Le doc. Et Julie qui vous accueille. Il y a quand même des acteurs extraordinaires qui sont passés dans cette série. Tom Hanks a fait ses débuts dans La Croisière s'amuse. Oui, Corentin. Je le dis. Black Eyed Peas, c'est le groupe de Fergie. Let's get it started. Avec quel alcool prépare-t-on Daiquiri? Vous l'avez fort bien dit, c'est le rhum. Le guitariste Zappa, son prénom c'était Frank Zappa, un génie de la guitare. So we picked out a stupid name, had some cards printed up for a couple of bucks, and we was on our way to fame. Got matching suits and Beetle boots and a sign on the back of the car. Quelle unité de vitesse équivaut à 1000 marins par heure? C'est le nœud, c'est le manchot dans la marge de l'empereur. Mais vous l'avez dit, vous l'avez mélangé avec le pingouin, avec l'empereur, et vous mettez un manchot dedans. Oui, mais on vous le prend. Cela veut dire quoi, très cher Ivan? Ah, j'ai pas compris. Eh ben moi j'ai compté, c'est un petit peu notre boulot. Je tiens à vous dire que vous avez donné 8 bonnes réponses. Ah. Ah, cela veut dire, cher Ivan, que vous êtes à égalité avec Thierry qui a joué avec nous tout à l'heure. Cela veut dire que pour vous départager, nous allons vous poser une question subsidiaire hors antenne. Une question qui va demander une réponse chiffrée et nous allons comparer vos réponses dans quelques secondes. D'accord ? Ben, on va faire comme ça. Vous ne quittez pas, vous restez sur RTL. Le suspense est à son comble. Qui de Thierry ou Ivan va repartir avec ce séjour à Disneyland Paris? Réponse! Juste après ça. Thierry, devine où on part en vacances? En Bretagne! Non, on part... C'est Netto, vite, c'est l'alerte discount! Aujourd'hui, les cuisses de poulet marinées au paprika ou à la mexicaine sont à 2,29€ le kilo chez Netto! Netto, le discounter qui fait la différence. Transformé en France à partir de viande de volaille française, barquette de 2,5 kg environ. Pour votre santé, évitez de grignoter. Pourquoi tu allumes une bougie, papy? Une première bougie va s'éteindre, mais avec elle, une autre bougie va s'allumer. Quand la deuxième bougie s'éteindra, une troisième scintillera encore. Et ainsi, la lumière ne s'éteindra jamais. Comme l'Église, qui n'a jamais cessé de briller. Pour que jamais nos valeurs ne s'éteignent, je crois en l'Église. Je lègue à l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelègue.catholique.fr ou appelez dès maintenant le 01 76 23 10 10. 01 76 23 10 10. Avec le petit Théo qui fait un foot. Oui, chaussures de football Agility 500 au pied. Avec leur amorti exceptionnel, ces chaussures lui permettent de dribbler tous ses adversaires. Attention, il accélère et bute. Ah, Théo, meilleur buteur de la saison. Meilleur buteur de la cour de récré. Exactement. Chez Decathlon du 17 août au 24 septembre, préparez la rentrée à petit prix avec les chaussures de football junior Agility 500 de Kipsta à seulement 19,99€. Decathlon, à fond la forme. Liste des magasins participants sur decathlon.fr. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Thierry a joué avec nous en début d'heure. Il a eu 8 bonnes réponses. Il est géomètre à côté de Lyon. Non, ça c'est Ivan. Thierry. Ouais, c'est le mélange. Et Thierry est dans l'éducation nationale. Thierry, vous êtes là? Oui. Ivan est là, c'est lui le géomètre. Nous vous avons posé hors antenne, puisque vous avez tous les deux eu 8 bonnes réponses, une question, et la question était la suivante. Au total, combien d'entrées a réalisé le film Les Nouvelles Aventures d'Aladin avec Kev Adams en 2015? Ivan, vous avez dit 673 000. Thierry, vous avez dit 800 000. L'un comme l'autre, vous êtes très loin. C'est un des cartons cinématographiques de l'année. Les Nouvelles Aventures. Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Oui. Kev Adams, c'est très très bon. Le film est très drôle et franchement, c'est un très bon divertissement. C'est le record d'entrée pour l'année 2015. Plus de 4 415 000 entrées pour le film Aladdin. Cela veut dire que c'est Thierry qui part à Disneyland Paris. Bravo Thierry, félicitations. Merci beaucoup. Séjour pour 4 personnes, vous serez logé à l'hôtel Sequoia Lodge. Entrée illimitée pour 4 pour les deux parcs Disneyland Paris, Walt Disney Studios. Et bien entendu, nous nous occupons de l'hébergement, des déjeuners et vous pourrez découvrir le nouveau spectacle Mickey le Magicien et chanter avec les héros de la Reine des Neiges. On vous embrasse Thierry. Plein de baisers, savourez bien ce séjour. Et on embrasse Ivan également. Merci bien. On vous laisse en de bonnes mains sur RTL dans quelques instants. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, la curiosité est un vilain défaut. Nous parlerons dans un premier temps des animaux de la montagne. Je vous souhaite un bon week-end, Caroline. Vous aussi, Bruno. Et nous nous retrouvons lundi. Exactement. Et lundi. Ce sera notre dernière semaine. Comment vivre après ça? Vous mentez, vous vous réjouissez, je le vois sur votre visage. Pas du tout. Allez, bonne journée sur RTL, bon week-end. Il est 11h. Les infos avec Gauthier Delombugard. À la une de l'actualité, les Jeux Olympiques de Rio. RTL Rio 2016. Une nuit exceptionnelle pour les Français. Deux médailles en athlétisme. D'abord, l'exploit de Christophe Lemaître sur 200 mètres. Le sprinter français s'est arraché en fin de course pour décrocher la médaille de bronze. La fusée jamaïcaine Usain Bolt est en or. Triplé olympique après Pékin en 2008 et Londres en 2012. Kevin Mayer apporte au décathlon français sa première médaille depuis près de 60 ans. Le tricolore prend l'argent dans cette discipline qui réunit 10 épreuves. Il bat au passage le record national. Un autre exploit sur les terrains de handball. Les Françaises se hissent en finale. Après leur victoire 24-23 face aux Pays-Bas, vice-championnes du monde, elles défieront la Russie demain soir à 20h30 pour tenter de glaner la première médaille d'or olympique de leur histoire. Les basketteuses dont elle a rien pu faire face aux États-Unis, défaite 86-67 dans un match serré pendant trois quarts temps. Les braqueuses se tournent désormais vers la petite finale pour viser le bronze. Ce sera demain face à la Serbie. De nouvelles chances de médailles aujourd'hui, notamment sur le 50 km marche à partir de 13h avec Johan Diniz qui détient le record du monde dans cette discipline. L'équitation pourrait une nouvelle fois nous faire rêver avec la finale du saut d'obstacle individuel chez les hommes. Et puis en boxe,